album de photos avec ses garments, une photocopie de leur emploi du temps, un miroir disant que c'était la plus belle, une brosse, un peigne, une pince à poils rebelle, trois flacons de vernis, des fois que le temps change, un calepin de copine et des trucs à la sphère, un téléphone portable, unité perpétuelle, au numéro des copines, un petit crayon de bois. Rangée de vêtements, ce où elle rentre dedans, une pile de fringues, ce où elle ne rentre plus, trois malles pleines et celles où elle voudrait bien, une robe en pilou pour tuer l'amour, un tiroir de vêtements, ceux de la semaine du dimanche, sans oublier les strings, les jours où elle se sent bien, 200 pulls de laine noire pour quand elle le déprime, pour l'inventaire du pressing, un petit crayon de bois. Un étage pour lui, un étage pour elle, de l'eau maxi-plate pour ses mini-rondeurs, la crème fraîche en lipides, du foie gras de régime, de l'eau sans calories, camembert sans saveur. On nous prend pour des cons, mais vive le plat bedon, sexy 0%, elle est le sang défend. C'est pour lui qu'elle le fait, et qu'elle en fait autant, et pour la courbe de poing, un gros crayon de bois. Côté de la crème de jour, la crème de nuit, de celle qui raffermit et les clés du frigo, la crème anti-ride, anti-flou, anti-tout, un bidon de fond de teint pour démarrer le matin, du rimmel pour les yeux, pour ses jolis yeux bleus, une claque sur les joues pour avoir le bon teint, un petit peu de parfum pour bisous du matin, et pour le tour des yeux du noir en crayon de bois. Capote à la fraise fraîchement mâchée, un chewing-gum à la cerise pas encore déballé, des bouts de caisse pour ne pas l'en prendre ronflé, des Marie Claire des galas pour se relaxer, dictionnaire de prénoms pour le décider, une boîte de Mofral pour faire passer le boulot, un test de grossesse en cas de gros amour, pour la température un crayon de bois. L'effort est pour toi, pour ta foutue manie les crayons de bois. Et dire qu'on tue l'effort est pour toi, pour ta foutue manie les crayons de bois.